La famille Halliburton par Mrs. Henry Wood. Tome 2, chapitre 1er. La leçon d'italien. La soirée du club de Poméranie n'était pas encore achevée. Le dîner terminé, Anthony quittait la maison peu après son père. Madame Dare se tourna vers le feu pour faire sa sieste ordinaire. Les jeunes filles, à l'exception d'Adélaïde, se rendirent au salon. Adélaïde était plus pâle et plus maigre que lorsque nous l'avons connue. Ses yeux avaient une expression d'inquiétude ou d'abattement qui annonçait le désappointement. Elle restait assise en face du dessert, et s'abritant derrière un journal, elle tirait une lettre de sa poche et l'étalait sur la table. Lord Hawksley n'était jamais venu la faire vicomtesse, mais il n'avait pas renoncé à ses visites au clos de Poméranie, et Adélaïde espérait toujours. C'était sur une de ses lettres qu'elle venait de s'absorber. 3 ans auparavant, un pasteur l'avait demandé en mariage, mais elle avait refusé. Peut-être avait-elle des raisons particulières pour croire à la bonne foi du vicomte. Elle n'était pas la première qui prenait l'ombre pour la réalité. Mademoiselle Barcini, en quittant la salle à manger, monta à la salle d'études. Elle ranima le feu, s'installa dans un fauteuil et eut l'air d'écouter ou d'attendre. Elle n'écouta pas en vain. Bientôt des pas furtifs se firent entendre, le sang monta ses joues olivâtres. Elle pressa sa main contre son cœur comme pour en arrêter les battements. « Que je suis bête !» murmura-t-elle. Ses pas étaient ceux de Herbert, devenu un grand et beau jeune homme, à l'air bien plus distingué que son frère Anthony, mais dont la physionomie était empreinte de cette expression hardie qui caractérisait M. Dare. Il venait faire une visite à l'institutrice. Il en faisait beaucoup. Certains messieurs aiment à orner leur esprit. Herbert était de ce nombre, car la soif des langues étrangères le dévorait. Mina était un jour arrivée au milieu d'une visite que son frère faisait à mademoiselle. Il lui avait demandé, fort impertinemment, il est vrai, ce qu'il faisait là. « Je prends une leçon d'italien, » avait répondu Herbert, « et je n'ai pas besoin, Mina, que tu viennes me déranger. » Mina avait fait la grimace à la vue des livres italiens étalés entre Herbert et mademoiselle, et s'était enfui à toutes jambes dans la crainte que l'institutrice ne l'engageât à prendre part à la leçon. Herbert entra sans bruit, et la première chose qu'il fit fut de fermer la porte à clé, sans doute pour prévenir une nouvelle intrusion de mademoiselle Mina. « M'a-t-on demandé au salon ?» commanda la gouvernante. « Non, » répondit Herbert, « ils sont trop occupés les uns et les autres. »« Herbert, pourquoi n'êtes-vous pas venu samedi soir ?»« Samedi soir. »« Oh, je me rappelle, j'avais un rendez-vous. »« Vous auriez pu auparavant, » fit-elle d'un ton de ressentiment, « me dire au moins un mot. »« Je suis venu ici, j'ai attendu. » Après le thé, je suis remonté et j'ai encore attendu. Ah, quelle patience! Attendu pour me donner ma leçon d'italien. Herbert parlait d'un air railleur. La jeune italienne ne paraissait pas disposée à plaisanter. Elle restait debout d'un côté de la cheminée et la flamme qui seule éclairait la chambre laissait voir les lèvres serrées de l'institutrice. Voyons, à quoi cela vous avance-t-il de vous mettre de mauvaise humeur, Bianca? Continua Herbert riant encore. Vous êtes aussi exigeante que si je vous payais 20 francs le cachet. Si, bah ! Interrompit mademoiselle avec colère. Et certainement Herbert lui manquait de respect en l'appelant par son nom de baptême. Mais ce n'était pas ce qui la fâchait. Je commence à être fatiguée de tout cela. Fatiguée de moi ? Vous pourriez avoir un élève. Voulez-vous bien vous taire ? Cria-t-elle en frappant du pied. Je ne suis pas en train de dire des folies ce soir. Vous ne reviendrez plus ici si vous me dites comme samedi soir que vous viendrez quand vous ne devez pas venir. Eh bien, j'avais un rendez-vous et j'y suis allé en quittant le dîner, répondit Herbert avec plus de sérieux. Sur mon honneur, Bianca, ce n'était pas de ma faute, c'était un rendez-vous d'affaires. Je n'avais pas le temps de monter ici avant d'y aller. Alors vous auriez pu venir à votre retour. Je ne suis rentré qu'à 2 heures du matin. Bianca Barcini leva ses yeux étranges sur ceux de Herbert. Pourquoi me dire cela ? Demanda-t-elle d'un ton plaintif. « Je vous ai vu partir après le dîner, je vous guettais et je vous ai vu rentrer. Il était 10 heures, je vous ai vu de mes propres yeux. »« Vous avez de bons yeux, Bianca, j'ai quitté la table. »« Je ne parle pas de ce moment-là, » interrompit-elle. « Vous auriez pu venir avant de sortir la seconde fois. »« Je ne sais pas ce que vous voulez dire, je ne suis rentré qu'à 2 heures passées. »« Mais je vous ai vu, » persista-t-elle. « Il faisait clair de lune et je vous ai vu sauter sur la pelouse par la fenêtre de la salle à manger et aller au portail. Il était plus de 10 heures. » « Bianca, vous rêvez, je ne suis pas rentrée. » Elle frappa de nouveau du pied. « Pourquoi me trompez-vous? Dirais-je que je vous ai vu si ce n'était pas ?» Herbert avait vu une fois Bianca Barcini en colère. Il ne tenait pas à la revoir sous le même aspect. Quand il affirmait qu'il n'était rentré qu'à 2 heures, il disait l'exacte vérité. Il ne pouvait comprendre pourquoi l'Italienne prétendait le contraire, mais il jugea prudent de changer de sujet. « Vous êtes une folle, Bianca, » plaisanta-t-il en lui prenant les mains. « Vous vous fâchez pour rien, je me corrigerais de ce défaut si j'étais vous. » « C'était le caractère de ma mère, » dit-elle en retirant ses mains. « Savez-vous ce qu'elle a fait une fois ? Elle a craché la figure de l'archevêque de Paris. Et c'était une dame. » S'écria Herbert avec ironie. « Pourquoi donc ? Il l'avait offensée. Il passait près d'elle dans une procession de la fête Dieu. Il lui adressa un reproche, elle se fâcha et lui cracha au visage. Elle pouvait donner sa vie pour ceux qui étaient bons pour elle, mais ceux qui l'offensaient, je leur en fais mon compliment. « Dis donc, mademoiselle, qui était votre mère ? Peu vous importe. C'était une comédienne. Vous autres Anglais, vous n'aimez pas cela. Mais elle était bonne pour moi. Il voulait que je devins ce qu'elle n'était pas. Quand j'eus 12 ans, elle me mit au couvent, la maudite place. » Herbert se mit à rire. « Maudite pour moi. Je ne pouvais ni danser, ni chanter, ni faire la chose au monde la plus simple. Je devais me lever le grand matin pour dire mes prières, travailler toute la journée, et le soir réciter encore mes prières. Oh, comme je priais de tout mon cœur la Sainte Vierge de me faire partir de là, mais elle ne m'écoutait pas. J'étais là depuis 1 année. Savez-vous ce que c'est 1 année ? Quand ma mère vint me voir, elle avait été en Italie. « Emmène-moi, emmène-moi avant que je meure, » lui dis-je. « Non, bien que Camilla, » me répondit-elle. « Je te laisse ici pour que tu sois plus heureuse que moi. Je ne vous dis pas tout cela en italien. Vous ne le comprendriez pas. » Interrompit mademoiselle avec vivacité. Ma mère continua. « Quand tu seras instruite, tu deviendras gouvernante dans une famille de la noblesse, et peut-être te marieras-tu avec un prince. Quoique tu n'aies pas de fortune, tu seras accomplie, tu seras belle. » « Me trouvez-vous belle, Herbert ? » demanda-t-elle brusquement. « Enchanteresse, est-ce que je ne vous l'ai pas déjà dit 500 fois ?» Elle jeta un regard sur la petite glace qui ornait la cheminée et reprit. Ma mère ne voulut pas me reprendre. J'eus beau me coucher sur les dalles du parloir et pleurer, elle ne voulut pas m'emmener. « C'est pourtant bien, bien Camilla, » me disait-elle, et je restai là 7 ans. « 7 ans, le croirez-vous ? Mais je suppose que vous étiez réconcilié avec votre sort. Avec le temps, on se réconcilie avec les choses les plus pénibles, » répondit-elle en regardant le feu d'un air rêveur. Je cachais mon désespoir et je guettais l'occasion de m'enfuir. Nous étions aussi sévèrement tenus que les nonnes dans leurs cellules. Mais plutôt que de ne pas faire ma volonté, je remis le feu au couvent. « Quelle trahison !» s'écria Herbert en riant. Elle le regarda d'un air sombre. « Croyez-vous que je ne l'aurais pas fait ? Mais je voulais profiter d'une bonne occasion, et pendant que j'attendais, la nouvelle arriva que ma mère était morte. Elle avait pris froid un soir qu'elle était sur le théâtre en robe de danseuse. Je ne pouvais plus songer à m'enfuir. Ma mère partie, je n'avais personne vers qui aller, et je suis resté 7 ans dans cet enfer. Que de compliments au couvent, Bianca. Les uns sont maudits, les autres sont des enfers. Ils sont tous là, et pire encore, dit l'Italienne d'un ton impérieux. Ils sont... peu importe. « C'est fini maintenant. Je dus bien refouler mes pensées et rester. Ah, je ne sais pas comment j'y parvins, 7 ans. Mais qui est-ce qui payait tout ce temps pour vous ? Ma mère avait bien de quoi payer. Elle fit des arrangements avec un prêtre avant de mourir et lui remit l'argent nécessaire. Le couvent m'éleva, m'habilla, me rendit le cœur dur. Je ne serais pas ainsi sans ce couvent. « Oh, vous êtes donc dure, mademoiselle, » fit Herbert. « Je puis l'être. » fit mademoiselle Varsigny en secouant la tête. « Mieux vaut ne pas me tourmenter. Et comment êtes-vous sortie du couvent ? » ?»« Lorsque j'eus 19 ans, on m'envoyait en place pour enseigner la musique, l'italien, le français et l'anglais. On m'avait donné une bonne éducation au couvent. On me remit une malle remplie d'effets et 4 pièces de 5 francs me disant que c'était tout ce qui restait de l'argent de ma mère. Qu'est-ce que ça me faisait ? On m'aurait renvoyé 100 sous que j'aurais été bien contente de m'en aller. Je passais 2 ans dans la même place, j'étais à l'aise et bien payé. Chez des Français, oui, chez des Parisiens. Ce n'était qu'à 1/2 lieue du couvent. Je n'avais qu'une petite fille à élever. Pourquoi avez-vous quitté ? Je me suis mis un jour en colère. Madame a dit plus tard qu'elle avait eu peur de moi. Ah, j'en ai eu des aventures, je vous le jure. Dans la place suivante, je ne restais que 3 mois. Je m'y ennuyais. Je la quittais pour une autre qui me plaisait. J'étais plus libre, j'y serais resté. Mais quelqu'un va m'en faire partir. Une nouvelle institutrice ? Non. Un homme, un monstre. C'était le frère de madame. Il était jaune et ridé, et ses longs doigts maigres avaient l'air de griffes. Il voulait que je l'épousasse. Il disait qu'il était riche. Me vendre à ce monstre? Non, mieux valait rester institutrice. Un soir, madame et mes deux élèves allèrent à l'Odéon. Il vint dans la petite salle d'études où je me trouvais. Il ferma la porte à clé et jura qu'il ne l'ouvrirait que lorsque je lui aurais promis de devenir sa femme. Je me fâchais, je tempêtais, il essaya de me prendre la main, l'imbécile. Il se mit à rire et me dit que j'étais en cage. « Pourquoi ne tiriez-vous pas la sonnette ?» interrompit Herbert. « Bon, attendez sonnette dans cette vieille maison de Paris. » Je voulus ouvrir la fenêtre, mais il se plaça devant l'espagnolette en riant encore. Je lançai un coup de poing au carreau, le verre tomba dans la cour, les domestiques vinrent regarder ce qui arrivait. « Je ne puis pas ouvrir la porte de la chambre d'études, leur criai-je, venez me l'ouvrir !» Le misérable l'ouvrit alors, les domestiques vinrent bander et soigner ma main tout ensanglantée. Mais pourquoi la signora a-t-elle cassé le carreau? Pourquoi n'était pas ouvert la fenêtre? Demanda l'une. Qu'est-ce que cela vous fait? Répondis-je. Ce n'est pas vous qui le paierez. Occupez-vous de me soigner. On m'enveloppa la main dans un mouchoir. Je mis mon manteau et mon chapeau et je sortis. Madeleine, la cuisinière, une bonne vieille femme, me vit. Où la signora va-t-elle donc si tard? Me demanda-t-elle. Où pourrais-je aller ailleurs que chez le pharmacien? Dis-je et je continuai. « Étiez-vous sérieusement blessé ?» demanda Herbert. « Ce n'était pas là que j'allais. Croyez-vous que je faisais attention à ma main ? J'allais dans la boutique d'un armurier, dans la rue Montmartre, et j'ai acheté un stylet. Il était de cette longueur, montrant depuis son poignet jusqu'au bout de son doigt. Je le fis voir à ce monstre le jour suivant. « Venez encore une fois dans ma chambre, lui dis-je, et vous verrez. » Il le répéta à madame, sa sœur, et elle ne voulut plus me garder. Herbert regarda l'institutrice que le récit avait pâli, ses yeux étaient étincelants, ses lèvres serrées. « Vous n'auriez pas osé vous servir de ce stylet » s'écria-t-il. « Je n'aurais pas osé. Ah, vous ne me connaissez pas. Quand je suis monté, il n'y a rien que je n'ose faire. Ma mère m'a toujours dit « Laisse le mauvais esprit dormir en toi, sinon tu ne mourras pas dans ton lit. » « Dites donc, » demanda Herbert d'un ton railleur, « de quelle religion êtes-vous »« Je suis catholique ou protestante suivant la place, » répondit-elle. « Je ne suis pas une dévote, une sainte. À quoi cela me servirait-il »« C'est donc pour cela que vous avez ces violentes migraines le dimanche ?» dit Herbert en riant. « Vous devriez... » Il fut interrompu. Rosa montait l'escalier et s'arrêta à la porte. « Mademoiselle » appela-t-elle. Mademoiselle ne répondit pas. Herbert lança son mouchoir contre le trou de la serrure. Rosa essaya d'ouvrir, trouva la clé tournée et s'en alla en marmottant. « Je crois que mademoiselle s'enferme après le dîner pour dormir. » comme maman dans la salle à manger. On l'entendit entrer dans le salon et refermer violemment la porte. Herbert ouvrit alors sans bruit celle de la salle d'études et suivit sa sœur. « Dis donc, Herbert, » cria Rose, « n'as-tu pas vu mademoiselle ? Moi ? Crois-tu que je garde mademoiselle dans ma poche ? Elle s'enferme après dîner dans la chambre d'études et je ne puis pas comprendre ce qu'elle y fait, » continua Rosa. « Ses dévotions, peut-être ?» suggéra Herbert. Cette réponse déplut à Madame Dare qui venait d'entrer. « Herbert, je ne veux pas que l'on tourne Mademoiselle Varsigny en ridicule, » dit-elle sévèrement. « C'est une excellente institutrice pour Rosa et Mina, et nous devons lui témoigner beaucoup d'égards pour qu'elle ne nous quitte pas. » J'ai entendu parler d'étrangères qui récitaient leur chapelet jusqu'au chant du coq, » persista Herbert. « Ce sont des catholiques romains. Une protestante comme Mademoiselle Varsigny... » Les paroles aigres de Madame Dare furent interrompues par l'apparition de Mademoiselle Varsigny elle-même. L'institutrice se tourna vers Rosa. « Que me voulez-vous ? » lui dit-elle. « Je voulais vous prier de m'enseigner à faire ce filet, » répondit Rosa d'un ton légèrement impertinent. « Et je ne vois pas pourquoi vous ne me répondez pas quand je frappe, mademoiselle. »« Cela peut ne pas toujours me convenir de vous répondre, » dit l'institutrice avec calme. « Mon temps m'appartient après le dîner, et Madame Dare m'accordera... » qu'une gouvernante a tout pouvoir sur sa chambre d'études. « Vous avez parfaitement raison, mademoiselle, » acquiesça Madame Dare. Mademoiselle s'assit au piano et exécuta une brillante symphonie. Herbert regarda sa montre et voyant qu'il se faisait tard, quitta la maison à la hâte.